Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. C'est très étonnant. En l'espace de quelques semaines, dès la fin de l'année 1953 et surtout au début de l'année 1954, un mot du vocabulaire domestique, employé dans son sens géographique, accompagne sans cesse les actualités et les conversations. C'est la cuvette. Elle est associée à un lieu, Dien Bien Phu, avec la même rapidité que se propage le mot cuvette. Ce petit village du nord de l'Indochine, alors colonie française, devient mondialement connu à Dien Bien Phu. Pour les Français, cuvette rime avec des fêtes. Les éditions spéciales annoncent à la France la chute de Dien Bien Phu, tombée après 57 jours d'une bataille sans merci. À l'heure où les héroïques soldats du général de Castres, dont on voit ici l'image, cédaient sous le nombre après une défense qui pourra compter parmi les plus hauts faits militaires de toute l'histoire. Hugues Tertin, bonjour. Bonjour. Les actualités françaises, le 13 mai 1954. Une des plus belles défenses de toute l'histoire, peut-on entendre dans les actualités françaises. Nuançons peut-être ce propos. C'est-à-dire que on est à la fin d'une guerre qui dure depuis 7 ou 8 ans, pas déjà. Et donc les débuts ont été un peu compliqués. Au début, on ne savait pas très bien pourquoi on se battait. Et puis les choses ont pris un sens, en particulier avec la révolution chinoise. La proclamation de la République populaire, c'est en 1950. Donc, en gros, on avait, à partir de ce moment-là, un adversaire digne de combat. C'était le communisme en général, et la Chine en particulier, qui était elle-même accolée à l'URSS, et donc qui formait un bloc, un tout, avec justement les pays communistes. Dites-nous, Hugues Tertrais, vous êtes professeur émérite d'histoire contemporaine à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Dans cette histoire d'une bataille, la bataille de Dien Bien Phu, il y a l'histoire d'une guerre. À partir de quel moment peut-on dire que la guerre d'Indochine commence, s'il y a un moment possible ? Il y a un moment possible, et il y a un début certainement de ces 1900. Alors, si, vous avez raison, il y a une hésitation, 1945 ou 1946. Disons que ce qui s'est produit, c'est que la guerre commence en fait à la fois parce que le Japon, qui in extremis occupait l'Indochine, a été battu, et en même temps parce qu'on change de régime politique en France. Donc c'est un petit peu compliqué. C'est dans cette complexité que la guerre a commencé. Oui, nous sommes au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et dans les actualités françaises toujours, cette fois en décembre 1945, la propagande tire à grands coups de canon. En Indochine, livrée aux Japonais par Vichy, travaillée par les levains de la xénophobie et les agents laissés par les vaincus, la France reconquiert peu à peu sa suzeraineté abandonnée par un gouvernement traître. Mais des éléments de trouble bouillonnent encore à travers le pays. Et les unités du général Leclerc sont parfois retardées dans leur marche à l'intérieur par des groupes qui coupent les routes, font sauter les ponts et détruisent ce qu'a apporté en 80 ans la civilisation française. Le général Leclerc, chef de l'armée d'Extrême-Orient, est partout. On le voit surgir soudain, reconnaître la situation, donner des instructions, repartir. Ce drapeau tricolore qui monte aux mains d'un bourg lointain, on sait là-bas ce qu'il représente. C'est ce que reviennent chercher à son ombre ces pauvres êtres qui n'ont pas oublié que la France est toujours une grande nation et une nation généreuse. Ah oui, en décembre 1945, le général Leclerc qui surgit soudain avec la France, le drapeau qui flotte au-dessus du pays. Bonjour Laure Monin-Cournil. Oui, bonjour. Bonjour, vous êtes docteur en histoire. Votre thèse porte sur Dien Bien Phu, des tranchées au prétoire 1953-1958. Je vous pose la même question, le début de la guerre d'Indochine. Oui. Eh ben, c'est quand pour vous, selon vous, c'est quand le début de la guerre d'Indochine ? Alors, moi je la placerais plutôt, oui, vers dès 45 en fait. Oui, c'est ça, en 1945, c'est-à-dire à partir du 2 septembre quand Ho Chi Minh proclame l'indépendance du Vietnam. Oui, dès ce moment-là. D'accord. Avec ici ces conflits qui commencent en 1945, vous nous avez dit, Hugues Tertrais, même 1946, ce sont des véritables combats parce que le mot guerre couvre énormément de réalités. Que se passe-t-il d'ailleurs du côté de ceux qui soutiennent Ho Chi Minh dans la lutte pour l'indépendance ? C'est une armée ? C'est de la guérilla ? C'est un petit peu les deux et c'est le concept, si on peut dire, c'est la révolution d'août. En 1945, effectivement, le Viet Minh portait ce nom à ce moment-là, c'est la Ligue pour l'indépendance du Vietnam, déclenche la guerre, la révolution sur l'ensemble du pays. Et donc, je vous disais tout à l'heure que l'affaire est compliquée et complexe en 1945 parce que une France doit remplacer l'autre et revenir justement à la fin 1945 au Vietnam et notamment à Saigon, mais en même temps, le mot est célèbre aujourd'hui, enfin pour d'autres raisons. En même temps, donc là, il y a la Révolution d'août, donc ça complexifie encore. Mais la Révolution d'août qui fait que la guerre commence comme une guerre de reconquête, les Français et le clerc en particulier, s'efforçant de récupérer, de réinstaller une puissance française qui était la puissance coloniale et qui ne l'est plus depuis donc quelques mois au moins. Oui, réinstaller une puissance française, ce n'est pas rien. Avec la question des troupes en présence, Lormenin-Cournil, quelles sont les troupes en présence? C'est-à-dire, nous avons d'un côté bon les Viet Minh, ça j'entends bien que tout ça est en train de se construire, mais du point de vue français, le général Leclerc, de quelles troupes dispose-t-il? Alors, ce sont tout d'abord des soldats qui sont issus de la Seconde Guerre mondiale. Donc, la plupart sont issus de la résistance, intégrés dans l'armée. Il y a aussi beaucoup d'engagements de jeunes qui ne savaient pas vraiment quoi faire à la fin de la guerre. On s'engage, on va loin. Il y a beaucoup de légionnaires aussi. Et on fait appel aux troupes de l'Union française au fur et à mesure du déroulement de la guerre. Et oui, parce qu'il y a cette Union française. On peut d'ailleurs rappeler, Lormenin-Cournil, de quoi il s'agit. C'est quoi cette Union française? L'ensemble des territoires coloniaux qui, bon, après la guerre, on voit bien que ça, il faut que ça bouge. Il y a des revendications qui reprennent. Donc, on essaye d'englober tous ces territoires dans un nouveau. Une nouvelle entité qui fait que on les garde tout en leur faisant croire peut-être qu'on va leur laisser une autonomie ou peut-être autre chose. Luc Tertrais, c'est vrai que ici il y a l'avenir à construire. Nous sommes en 1945-46. Le mouvement des grandes indépendances n'a pas encore eu lieu. Faut pas lire ce moment-là en connaissant l'avenir. Non, c'est tout à fait le début. Il y a une déclaration de De Gaulle, effectivement. Au début de l'année, qui trace un petit peu les lignes de ce qui va devenir l'Union française, mais ce qu'on appelle la décolonisation, le mot n'est pas encore utilisé et ça n'existe pratiquement pas, même si du côté britannique en particulier, l'Inde s'intéresse pas mal à ce qu'on appelle l'indépendance, bien sûr. Et oui, bien sûr, parce qu'il y a ce qui se passe en Inde 1947. C'est ce moment-là où il y a l'indépendance. Il faut rappeler toujours qu'entre l'Empire britannique et puis l'Empire français, il y a cet État tampon, qui est l'ancien royaume de Siam, qui est la Thaïlande. Pour les Français, c'est quoi l'ambition? C'est de dire, on va faire taire ce mouvement indépendantiste comme il en existe ailleurs? Il y a une ambition plus ou moins cachée qui n'est pas vraiment formulée, qui est de revenir tout simplement. De revenir, de réinstaller une puissance française sur l'ensemble du territoire qu'on appelle l'Indochine sur la carte. Cette installation a un projet politique quand même, parce qu'on ne va pas. On avait une situation un petit peu compliquée en Indochine. Il y avait une colonie stricto sensu, c'est-à-dire administrée en direct par les Français. C'était la Cochinchine, c'était le Sud, et tout le reste du Vietnam d'une part, le Cambodge et le Laos d'autre part, sont des protectorats théoriquement. En fait, tout ça est fondu dans un seul concept, l'Union indochinoise. Donc, tout ça est ébranlé parce que le Japon aidant, l'ensemble des souverains traditionnels a proclamé, à la demande du Japon, l'indépendance des pays en question par rapport à la France. Donc, tout l'édifice préexistant, si j'ose dire, a disparu. Il faut reconstruire. Donc ça, c'est la toile de fond. Le concret, c'est qu'il faut simplement revenir, se réinstaller sur place. Oui, et lutter contre la guérilla. En Indochine, au cours d'un récent coup de main, des unités françaises protégées par le tir des caisses de marine ont réussi à prendre pied sur un point de la côte du centre Annam pour y opérer des destructions stratégiques. Le but de cette opération, menée à travers un territoire contrôlé par le Viet Minh depuis près de 3 ans, était la destruction d'un pont de chemin de fer du centre Annam, utilisé par les partisans pour leur ravitaillement en hommes et en matériel. À Après avoir occupé un village désert dont seules trois photos disaient l'appartenance au Viet Minh, les troupes françaises recevaient par avion le matériel nécessaire à la neutralisation du pont afin de stopper l'activité des guérillas d'Ho Chi Minh dans la région. Une mission de plus à l'actif des commandos français. Le 8 juin 1950, ces commandos en Indochine, faut stopper les guérillas, c'est le journal des actualités françaises, bien sûr. Hugues Tertrais, c'est bien ça hein, qui se passe entre 1945 et puis ce moment de Dien Bien Phu, c'est-à-dire la toute fin d'année 1953 et 1954. Il y a quand même plusieurs années de combats. Complètement. Et ce sont des combats de reconquête, en fait. Donc à partir de Saigon et à partir d'autres points, y compris de Hanoï au bout d'un moment... Les forces françaises reprennent le terrain. Et c'est ça qui est, la guerre au départ est une guerre de reconquête. Et c'est compliqué parce que la France n'a pas vraiment de troupes, en fait. Les troupes françaises, l'armée française, on le sait, à la faveur de la Seconde Guerre mondiale, n'a pas disparu, mais enfin, elle est quand même abîmée. Et donc, il y avait des troupes sur place, des troupes françaises en Indochine, mais elles-mêmes, ont été neutralisées par les Japonais. Bref, rien ne va plus. Et ce sont des troupes importées par justement le général Leclerc et les gens qui sont avec lui, qui font la reconquête progressive du territoire. Et pendant un certain temps, les opérations militaires, c'est le nom qu'on leur donnait, avaient pour but de simplement de récupérer tel village, telle route, telle partie du territoire que les Vietnamiens en particulier, donc pour le côté nord et côté sud, que les Vietnamiens récupéraient de leur côté. Donc c'était une guerre de territoire, à qui appartenait le territoire en gros. Et dans cette guerre de reconquête, Lormona Cournil, pourquoi Dien Bien Phu? Pourquoi à ce moment-là on choisit cet endroit-là? Lormona Cournil, je vous pose la question à vous, Hugues Tertrais. Pourquoi Dien Bien Phu? Pourquoi Dien Bien Phu? Effectivement, on s'est pas mal posé la question et vu d'aujourd'hui, ça n'a pas de sens. Mais ça avait un vrai sens, c'est-à-dire que jusqu'en 1950, en effet, les troupes françaises ou les troupes du corps expéditionnaire français, sont occupés à faire ces opérations de reconquête, mais il n'y a pas de grande bataille. Jusqu'en 1949, jusqu'en 1950 à peu près, c'est-à-dire ça correspond à la révolution chinoise qui est juste au nord du Vietnam, donc qui est intéressée aussi à ce qui se passe au sud précisément. Parce que Dien Bien Phu, c'est tout au nord, hein, faut le rappeler. Voilà, hein, c'est tout au nord. La conquête de l'Indochine par les Français, ça s'est fait par la mer. Et c'est fait plutôt au sud. C'est Da Nang, c'est Saigon, où la France s'installe au milieu du 19e siècle. Dien Bien Phu, c'est à l'extrême nord. Et c'est même une région pas trop peuplée par des Vietnamiens, plutôt par des minorités nationales, comme on dit à l'époque. Et donc, en particulier, des Thaïs, qui sont assez nombreux dans la région. D'ailleurs, Dien Bien Phu, mais ça c'est un autre sujet, est un des lieux mythiques des peuples Thaïs, c'est-à-dire les Thaïs qui sont au Vietnam, c'est-à-dire les Laos, c'est-à-dire les Thaïs de Thaïlande. Et c'est le lieu, le mythe d'origine localise à Dien Bien Phu, mais j'ai l'impression que personne ne s'en rendait compte, du côté français en particulier, localise à Dien Bien Phu le mythe d'origine du peuple Thaï. À Bangkok ou ailleurs, tout le monde sait que signifie Dien Bien Phu. C'est la légende de Khun Borom, c'est la naissance des peuples Thaï. Et donc les Français peut-être ne le savaient pas, et du côté chinois, à mon avis, on était au courant. Et donc, qui met la main sur Dien Bien Phu, qui a d'autres noms, c'est la zone frontière pour les Vietnamiens, qui a d'autres noms, qui met la main sur Dien Bien Phu, met la main sur l'ensemble des peuples Thaï. Et qui gagne Dien Bien Phu aussi, à l'inverse, gagne dans les esprits sur l'ensemble des peuples Thaï. C'est vrai qu'on peut imaginer que les Français n'étaient pas au courant de ça, mais c'est très intéressant, hein, toujours pour la symbolique des lieux. Oui, oui. Et curieusement, moi, dans différents colloques, j'ai posé la question de savoir si les Français avaient en tête cette question. Semble-t-il non. Ils ne l'avaient pas en tête. Et d'ailleurs, ce site est absolument incroyable. J'évoquais en début d'émission ce mot de cuvette. Laure Monin-Cournil, c'est quoi le site de Dien Bien Phu ? Ça ressemble à quoi ? Ça ressemble à une grande plaine assez large, contrairement aux autres vallées de la région, avec quelques petites collines éparpillées qui forment des contreforts en fait pour des montagnes plus élevées autour. Donc 130 km² environ à investir pour les Français à ce moment-là. Donc ça ressemble à une cuvette. Il y a une cuvette quand même à Dien Bien Phu, Hugues Tertrais. C'est-à-dire que les journalistes, et certains qui, en particulier les correspondants du Monde qui ont fait le voyage et qui avaient l'habitude de trouver des mots pour décrire les choses, c'était avant la photo dans la presse. Et donc Robert Guillain en particulier, qui est arrivé en avion sur le site, un jour où les combats devaient commencer, c'est-à-dire fin janvier 1954, a dit, bon, c'est la cuvette, bon, elle est quand même assez grande, la cuvette, parce que, au fond, c'est plat, mais tout autour, les gradins dominent la cuvette. Il dit, le mot juste, ce sera celle d'un stade, mais un stade immense, 20 km de long, 5 ou 6 de large. Et le problème, c'est que le coalitionnaire expéditionnaire français est au milieu du stade, l'ennemi est partout ailleurs. À nous le plat, à eux la hauteur. Eh oui, l'image est parlante. Laure Monin-Cournil, peut-on dire que les Français décident de s'installer tout au nord de l'Indochine pour faire comme une place forte au milieu de territoires qui sont dominés par leurs ennemis? C'est un peu ça que l'on doit comprendre avec le choix de Dien Bien Phu. C'est peut-être pas aussi clair. En fait, il décide de réinvestir Dien Bien Phu parce que c'est proche du Laos et que pour eux, c'est l'endroit idéal pour effectivement faire une place forte, mais pour couper la route du Viet Minh vers le Laos. D'accord, ok, c'est ça, hein, c'est faire un camp très bien, mais couper la route. Et dès la fin de l'année 1953, les Français s'installent à Dien Bien Phu. En Indochine, les forces franco-vietnamiennes ont pris une nouvelle fois l'offensive. Voici les images du coup d'audace de Dien Bien Phu, au cours duquel des milliers de parachutistes ont été largués au cœur même du dispositif Viet Minh en pays Thaï. La lutte pour la possession de la cuvette fut à la fois rapide et violente. L'ennemi dut promptement se replier sur les collines environnantes. Et pour faire de Dien Bien Phu le centre d'un nouveau maquis et soutenir la guérilla des partisans thaï, que le général Cogny a lancé l'opération Castor. Bientôt renforcés par une nouvelle vague de parachutistes, les troupes franco-vietnamiennes devaient rester maîtresses de la cuvette de Dien Bien Phu. Le 3 décembre 1953, l'opération Castor dans les actualités françaises. Ah bah oui, c'est pas rien de s'installer si loin. Laure Monin-Cournil, on entend parler beaucoup de parachutage. Comment ça s'est passé cette opération pour s'installer à Dien Bien Phu ? Donc l'opération a lieu les 20 et 21 novembre 1953. Elle est lancée et effectivement tout se passe par avion et par parachutage. Donc ce sont des bataillons, des unités de parachutistes qui sont largués sur la plaine en fait pour réinvestir les villages qui sont dans la cuvette qui n'en est pas vraiment une. Mais et tout se fait par avion en fait. D'accord. Donc du parachutage parce que Tertrais, on peut pas y aller tellement par la route en fait, c'est ça. Non, de toute façon, le secteur est complètement verrouillé par le Viet Minh, par l'adversaire. Et donc, en effet, il faut aller les armes à la main, il faut aller se faire parachuter sur place pour reprendre la place. Pourquoi? Alors, il y a cette expression chez les parachutistes et en général, on est parti pour coiffer Dien Bien Phu. Et donc, le mot Dien Bien Phu, en fait, et la bataille de Dien Bien Phu a deux temps vraiment très clairs. Il y a la réoccupation de la cuvette. Quand on coiffe la cuvette, justement, par parachutage, mais on parachute tout, y compris les chars en petits morceaux, si j'ose dire, et on les remonte sur place. C'est une opération très complexe et on est pendant cette période, Dien Bien Phu est une victoire, c'est-à-dire que on réinvestit cette plaine, on remonte une armée, on se fabrique une plaine, comme disait le commandant français de la place, de Castres. Je me suis fait une plaine. Bon, il s'est fait une plaine, très bien. Et donc on a construit cette forteresse, cette plateforme, en l'attente d'une bataille qu'on espère d'une certaine manière et qu'on espère avec confiance. C'est pas la première grande bataille, il y en a eu d'autres effectivement qui ont été in extremis, si j'ose dire, souvent des victoires. La première de ces batailles était une défaite, c'est Cao Bang dès 1950, avec tout un débat à l'Assemblée nationale pour savoir ce qu'on faisait, ce qu'on pouvait faire. Et puis d'autres grandes batailles aussi se sont développées justement entre 1945 et 1950. La dernière bataille, c'est Dien Bien Phu. Mais dans un premier temps, on se saisit du lieu parce qu'on est dans un programme un petit peu plus compliqué à l'époque. Et donc on se saisit du lieu et c'est une victoire. Le Dien Bien Phu est d'abord une victoire. Oui, c'est un exploit français d'ailleurs, déplacer une armée comme ça. Absolument. Exploit français qui très vite trouve sa limite. Laure Monin-Cournil, comment on étudie la bataille de Dien Bien Phu ? C'est vrai que travailler sur un moment historique précis comme ça, c'est une chose particulière avec tant de mémoires qui s'accrochent autour de la bataille de Dien Bien Phu. Quel est l'accès aux sources ? Elles sont disponibles ? Oui, elles sont disponibles en grande partie. On étudie, on a accès à beaucoup de choses. Il y a les archives militaires qui sont très complètes. Il y a des témoignages qui ont été déposés par les anciens, donc on a accès à pas mal de choses. La bataille en elle-même a été étudiée du point de vue purement stratégique. Les combats, les phases de combat, les attaques, contre-attaques, etc. Donc ça, c'était connu. Après, moi, je me suis attachée à savoir comment les hommes l'avaient vécu, qui ils étaient, ce qu'ils ont vécu vraiment. Donc dans cette première phase, effectivement, d'installation dans la plaine, de mise en place du système qui se voulait défensif. Et après, à la bataille elle-même, en fait. C'est plus compliqué d'avoir accès, enfin ça l'était à ce moment-là, d'avoir accès aux témoignages directs. Donc j'ai eu quelques témoins, j'en ai pas eu beaucoup, mais j'ai quand même eu suffisamment pour voir que, la mémoire de cet événement, la mémoire de cette bataille et de tout ce qu'ils y ont vécu, elle est multiple. Elle est vraiment très variée. Oui, parce que pour raconter la bataille, il y a les réflexions sur la stratégie et puis il y a le vécu. Alors, c'est vrai que la stratégie, bon, on la connaît, ça a beaucoup été commenté. Puis, comme on l'évoque sans cesse, les actualités françaises donnent quasiment au jour le jour les étapes de ce qui se passe là-bas et notamment l'attente. En Indochine, Dien Bien Phu, dans le nord tonkin, attend l'assaut des Viet. Ce poste avancé des positions françaises a été créé pour gêner les mouvements des Viet au centre même des positions qu'ils occupent. Un pont aérien y amène sans cesse renforts et matériel. Et chaque jour, des parachutages nombreux permettent à la garnison de Dien Bien Phu de consolider la défense de cette sorte de camp retranché. À l'heure actuelle, le Viet Minh harcèle les points d'appui de Dien Bien Phu, ce qui tente à faire croire à une attaque imminente. Nous étions en janvier 1954, l'attente de l'offensive Uktertray. Donc, premier temps, c'est quoi ? C'est installer une armée et mettre en place toute la défense, au cas où. Je voulais juste rappeler que les forces qui sont à la disposition du commandant en chef sont beaucoup plus nombreuses. Elles couvrent environ 450 000 hommes. Et donc, Dien Bien Phu, pour réoccuper la cuvette et se préparer un assaut adverse, c'est environ 15 000 hommes, pas plus, si j'ose dire. Sauf que ces hommes sont extrêmement bigarrés. Alors, les témoignages qu'on a des journalistes qui se rendaient sur les lieux, et aussi un certain nombre de politiques se rendaient sur les lieux, à l'époque, avant la bataille, racontent l'extrême diversité de la population du corps expéditionnaire. parachuter sur Dien Bien Phu. Il y a tout le monde. Ce journaliste Robert Guillain, j'ai pas retrouvé la formule, mais ça doit se trouver quelque part. Je l'ai lu. Il disait, bon, ce qui frappe à Dien Bien Phu, c'est la diversité des lieux. Il y a des Français, mais il y a aussi des Cambodgiens, il y a aussi des Algériens, il y a aussi des Marocains. Dien Bien Phu, en gros, c'est Barbès. Il utilise cette expression qui dit pour dire que, bon, le tiers-monde, recruté par le corps expéditionnaire pour se battre en Indochine et plus particulièrement ici à Dien Bien Phu, c'est cette union française qu'on appellera le tiers-monde, effectivement, pour côté français en tout cas, par la suite. Laure Monin-Cournil, il faut prendre en compte cette diversité de populations militaires pour saisir Dien Bien Phu, non ? Oui, tout à fait. Effectivement, il y a eu à peu près un peu plus de 15 000 soldats qui y sont passés à un moment ou à un autre, entre novembre et mai. Et 10 à 12 000 soldats présents en permanence dans le camp. Et parmi tout ça, en fait, il y a effectivement des unités très mélangées. Donc, il faut pas oublier non plus, il me semble qu'il y a environ 17 nationalités présentes dans les soldats de l'armée française, dans laquelle les Français sont minoritaires. Eh oui. Ils ne représentent que les cadres des unités, parfois, de l'Union française, donc les tirailleurs. Il y a des tirailleurs marocains, il y a des tirailleurs algériens, il y a des Thaïs, il y a les tirailleurs dits sénégalais, au sens large, donc des artilleurs, en fait. Il y a vraiment tout ça. Et il y a la Légion, avec toutes les nationalités qui peuvent apparaître dans la Légion. Eh donc, oui. Effectivement, ils ne pensent pas tous de la même façon, ils n'ont pas les mêmes traditions, les mêmes entraînements, ils n'ont pas la même vision des choses. Et ils ne sont pas non plus placés aux mêmes endroits dans la plaine, ce qui fait qu'ils n'ont pas vécu les choses de la même façon non plus. Hugues Tertrais. Oui, le concept stratégique qui porte un surnom à l'époque, c'est le hérisson. Il s'agit de faire une forteresse militaire sur laquelle l'adversaire va venir s'écraser et on pourra le neutraliser. Pour parler poliment, à ce moment-là, on va attirer l'adversaire sur cette forteresse, donc il faut la construire. Et une fois que la forteresse est construite, ben on attend que l'autre attaque. C'est ce qu'on appelait à l'époque aussi une victoire. On espère en tout cas une victoire défensive. Il n'y avait pas que des hommes aussi, il y avait quelques femmes. Brigitte Friang, en tant que journaliste, vous avez été à Dien Bien Phu en janvier 54. Quel était l'état d'esprit des officiers du camp retranché ? Je me souviens par exemple de ce pauvre colonel Pirotte, là sur place, à Dien Bien Phu. Ça se passait au mois de janvier, si vous voulez. Plusieurs personnes, dont moi, toujours, on me pardonnait beaucoup de choses parce que tout le monde me connaissait bien, j'étais une femme. Alors je lui avais dit, écoutez, mon cher colonel, tout de même, les Viettes sont sur les collines, ils vont nous tirer dessus en tir tendu ou en tir plongeant. Comment m'avait-il dit, ma pauvre petite Brigitte, si j'étais votre père, je vous flanquerais une fessée. Les Viettes ne pourront jamais tirer en tir tendu et en tir plongeant. Voyons quoi, c'est ce qu'ils ont fait et nos canons ont été neutralisés. Témoignage en 1994 de Brigitte Friang avec ici une certaine justesse d'analyse qu'elle a pu avoir sur place en 1954. Tout à fait. Brigitte Friand n'était plus sur le théâtre au moment de la bataille proprement dite. Donc encore une fois, il y a deux temps dans cette bataille, avant et pendant. Avant, c'est jusqu'au 13 mars, le jour du déclenchement de l'offensive par les Vietnamiens. Avant, ça dure tout le mois de décembre, le mois de janvier, le mois de février. Effectivement, beaucoup de monde visite le camp tranché et donc s'étonne même de l'efficacité imaginée, promise de ce camp tranché. Le camp tranché est, d'après les témoins, d'après ceux qui l'ont conçu, ne peut pas être détruit, ne peut pas être pris, ne peut pas être détruit. Le concept de forteresse implantée comme ça dans la haute région, comme on disait à l'époque au Vietnam, c'est donc un espace, mais une forteresse, le hérisson, une forteresse qui est construite en général autour d'un aéroport. Et donc, tout le problème, le dispositif et le problème est là, sont là. C'est-à-dire que on a parlé du colonel Pirotte qui s'est effectivement suicidé, qui était donc le chef de l'artillerie française sur place. Dès les premiers jours, il a tout de suite compris que c'était cuit, que c'était fait, que du premier jour de la seconde phase de la bataille, c'est-à-dire quand les Vietnamiens ont effectivement déclenché leur artillerie. Et là où Brigitte Friand, car c'est elle, je crois, qui parle, là où Brigitte Friand a tout à fait raison, c'est que personne ne s'attendait à ce que les Vietnamiens aient garni les collines entourant le camp tranché d'une artillerie aussi puissante. Il y avait, et il faut le dire quand même, le rappeler, un complexe de supériorité assez grand de la part des Français en général et du corps expéditionnaire tout particulièrement. De toute façon, on était meilleurs que les Vietnamiens et les Vietnamiens n'avaient pas la capacité, n'avaient pas la capacité de monter des pièces de c'était des canons 105, de pièces d'artillerie assez haut pour être dangereux. On était tranquille, grosso modo. Oui, et puis ça laissait le temps, cette tranquillité aux Vietnamiens d'installer leurs pièces. Les Français étaient sûrs d'eux, ils installaient eux-mêmes leur camp retranché, leur Monincourny. Dans cette histoire de la bataille de Dien Bien Phu, il y a ces deux temps qu'on identifie clairement, hein, fin de l'année 1953, les premiers mois de 1954. Ça s'arrête à l'offensive en mars. Dans ce premier temps-là, c'est quoi la vie des soldats? Parce qu'on est quand même dans une zone tropicale, c'est de la forêt dense. C'est une vie difficile pour des soldats qui s'implantent ici? C'est une vie difficile, pas vraiment. Enfin, ça ne ressort pas tant que ça, sauf pour ceux qui sont utilisés pour faire des reconnaissances extérieures, qui partent assez loin du camp pour trouver le contact avec l'ennemi, pour récupérer aussi des soldats qui viennent d'ailleurs, en fait, qui sont rapatriés pour renforcer la garnison. Mais eux, oui, ils ont une vie compliquée, ils ont des combats, il y a des problèmes à ce moment-là. Ceux qui restent dans le camp, qui sont aussi composés d'unités non combattantes, ils ont leur vie de poste, de garnison traditionnelle, comme il y en a déjà eu. Ils construisent, ils aménagent, ils attendent, effectivement beaucoup, comme vous l'avez dit tout à l'heure, mais ils s'organisent leur vie vraiment en fonction de voilà les travaux le jour et puis quand on a un peu de temps libre on joue aux cartes entre camarades, on va faire une petite partie de volley-ball à côté de la rivière, on essaye de se retrouver, on prend des apéritifs, hein, on s'invite quand on se retrouve entre camarades de promotion, etc. Donc oui, il y a beaucoup de travail. Mais en même temps, ils trouvent des temps, voilà, pour faire autre chose et pour se reposer tout simplement. Donc la vie, est-ce qu'elle a été plus difficile qu'ailleurs ou à d'autres moments? Au départ, pas forcément. Oui, une micro-société en fait. Hein. Totalement. Une micro-société qui se met en place. C'est vrai que cette période-là, elle est très longue. Hein. Ça laisse le temps aux gens de se reconnaître et de s'installer. Non seulement elle est très longue, mais la plupart des images qu'on a du camp de Dien Bien Phu, ce sont des images de la première phase, d'avant. Parce qu'il faut dire que dès le début, et peut-être on va y revenir, dès le début, donc l'artillerie de la RDV, l'artillerie vietnamienne, bombarde et détruit l'aéroport. Ce qui fait que de ce jour-là, donc non seulement le responsable de l'artillerie se suicide, mais de ce jour-là, ceux qui connaissent la question se rendent compte que c'est fait, c'est fini. En mars 1954, c'est l'offensive. De Dien Bien Phu, la cuvette encerclée du pays Thaï, viennent d'arriver ces images, prises à quelques heures de l'assaut général du Viet Minh par deux reporters qui devaient être blessés au cours de l'engagement. Il s'agit là d'un des raids les plus violents lancés du camp retranché pour desserrer la pression Viet Minh. Progression difficile sur un terrain abrupt et à chaque pas suspendu par des éléments Viet perchés dans les arbres ou cachés dans les trous. Comme on le sait, l'ennemi, après avoir longtemps hésité, s'est décidé à tenter l'assaut du bastion avancé, installé au milieu du pays qu'il contrôle comme une menace permanente. Le général Giappe y a engagé 40 000 hommes et toute son artillerie afin de remporter un succès important avant l'ouverture de la conférence de Genève. À Dien Bien Phu, c'est la plus violente bataille de la guerre d'Indochine qui ait commencé. Les actualités, le 18 mars 1954, Giap, il faut en parler du général Giap dès maintenant, parce qu'on sent que son rôle est essentiel dans cette histoire-là. Bien sûr, et donc lui-même d'ailleurs, quand il racontait, parce qu'il est décédé maintenant, quand il racontait la bataille, il se faisait rarement prier pour le faire, raconte en particulier, ça rejoint ce que votre document indiquait, raconte en particulier ce qu'il appelle, lui, la nuit la plus terrible de sa vie, c'est-à-dire la nuit du 25 janvier. Je sais plus très bien si c'est la nuit qui précède ou la nuit qui suit. Enfin, en tout cas, il n'a pas beaucoup dormi, d'après lui. Et parce que il se rendait compte qu'il y avait un problème, un problème important, c'est que le 25 janvier, c'est le jour où on avait prévu d'attaquer, et puis lui va décaler pour une attaque au 13 mars, décaler donc sensiblement dans le temps, et ce choix, qui est un choix tactique, va se révéler tout à fait vainqueur en quelque sorte. Mais personne ne sait très bien, à vrai dire, qui a poussé cette décision. Est-ce que c'est Giap tout seul, qui est donc un ancien, un lieutenant de Chimine, qui est le ministre de la Défense, le général en chef, et qui de toute façon domine l'armée populaire du Vietnam, qui est à l'origine donc un étudiant de Hanoï. Il souhaitait être prof d'histoire, justement, ça tombe bien. Et donc, ça mène à tout, l'histoire. Y compris à l'affaire. Et donc, il est sur place pendant toute la bataille, et donc il prend sur lui de décider sur lui et ses conseillers chinois, semble-t-il, de décider donc un report de bataille, ce qui a été un petit peu difficile à avaler pour les militaires vietnamiens qui étaient sur place et qui faisaient le siège déjà de Dien Bien Phu. Oui, parce que c'est quoi qui explique en fait cette erreur, on peut en parler comme ça, française, de ne pas avoir saisi ce qui allait se passer, de ne pas avoir imaginé ça. On pourrait dire tout simplement que jamais les Français n'ont pu penser que du côté des Vietnamiens, du côté d'Ho Chi Minh, il y aurait une telle préparation. Bien sûr, il n'y a pas d'erreur à mon avis. Et c'est la logique de l'époque et de l'évolution du rapport des forces. D'un côté comme de l'autre, c'est du côté du général Navarre, qui est le commandant en chef, qui a été désigné là parce qu'il n'y connaît rien, en gros, il ne connaît pas l'Indochine, et qu'il a l'esprit dégagé pour prendre les bonnes décisions. Et c'est lui qui va effectivement dans une situation compliquée, parce que la France également manque d'argent, la décision donc de fortifier cet espace de Dien Bien Phu. Mais il faut y revenir aussi, c'est-à-dire que l'objectif n'était pas seulement de protéger Laos, l'objectif était de casser le corps de bataille ennemi, et afin de dégager effectivement une situation nouvelle. Du point de vue français, Dien Bien Phu est absolument une erreur, c'est la construction d'une citadelle en haute région, d'un hérisson sur lequel l'ennemi va venir se fracasser. Et la grande bataille, en fait, à l'époque, imaginée par Navarre et les autres, devait se dérouler en 55, on est en 54. Donc on est un peu en avance sur le calendrier. Et puis, la situation est telle que, effectivement, on va se prendre au jeu. Et il y a un certain moment qui, moi, me sidère, et je ne sais toujours pas comment ça se passe, grosso modo. Il y a un moment où Navarre et les gens qui tiennent Dien Bien Phu acceptent, entre guillemets, la bataille, et Giap de l'autre côté qui accepte aussi la bataille. C'est-à-dire qu'il y a un moment, ce moment c'est fin 53, après c'est une question de date, ce moment, à l'origine, les Français font cette forteresse pour la tenir, bien sûr, mais pas pour une victoire totale, c'est pas au programme. Il s'agit donc de casser l'ennemi. La seule différence, c'est que il y a une situation internationale. Et cette situation internationale, que Giap connaît bien, et son conseiller chinois aussi, cette situation internationale, c'est que le moment de la bataille sera le moment décisif. Il faut mettre le paquet. Donc, du point de vue français, c'est une opération, comme on l'a dit, un petit peu comme une opération presque secondaire de couverture stratégique, comme on disait à l'époque. Du point de vue vietnamien, c'était le moment ou jamais de gagner. Et puis du côté français, la situation change à partir de mars 1954, où là, l'objectif est le seul, c'est de tenir le plus longtemps possible. 19h15, ébranlés par le bombardement, démoralisés, leurs officiers tués, les tirailleurs abandonnent en désordre les collines Dominique II et Eliana. Dans une heure, les Viets sont sur la Namur. Maxime, tu es seul en l'air. Plus rien pour toi. Remplis-toi de l'autre côté de la rivière, reçu ? Maxime, c'est de la folie. Les Viets vont tout emporter dans la foulée. Et mes canons, à vous. Pas de discussion. Faites sauter vos pièces. Replie derrière la Namur, c'est un ordre. N'encombrez plus le réseau. Terminé. Pour la première fois de ma vie de soldat, je refuse d'obéir à un ordre. C'est ma nuit ou jamais. On va pas exécuter cet ordre au con. Cerveau, aux flèches. Gisement 1540. Débouché à zéro. Charge maximum. Feu à volonté. Allez-y les enfants. Allez, marlez. Allez-y les petits. Un extrait du film Dien Bien Phu de Pierre Chandonfer en 1992, qui lui-même est réalisateur d'autres films, la 317e section, ça c'est dans les années 1960, c'est un autre de ses films, à partir d'un de ses romans, Pierre Chandonfer, qui lui-même était combattant d'Indochine. J'allais le dire, c'est ça. Chandonfer fait partie, il est donc caméraman aux armées, en quelque sorte, mais dès le début, pour les raisons qu'on a indiquées, c'est-à-dire le fait que l'aéroport a été détruit et que les Français ne pouvaient plus même faire repartir leur bobine en arrière pour pouvoir les exploiter. Dès le début, Chandonfer également était désarmé, si j'ose dire, étant sur place, caméraman aux armées, mais incapable de montrer ces images. Aujourd'hui, on filme tout, et on filme tout en direct. C'était absolument pas le cas à l'époque. Et tous ceux qui ont filmé et photographié dans le camp tranché du jour de la bataille, à partir du 13 mars, du jour où la bataille a commencé, n'ont absolument pas pu, produire le jour du 7 mai, quand le camp tranché a été pas abandonné, mais quand les combats ont été abandonnés, on a demandé aux militaires de détruire leurs armes, et des gens comme Chandonfer racontaient qu'il a lui-même détruit sa caméra, voilé ses films. Donc eux, c'était leurs armes et ils ont tout détruit. Et donc toutes les images, c'est pour ça que je disais que toutes les images qu'on a de Dien Bien Phu sont soit avant, soit après, ou alors reconstituées, ce qui a été beaucoup fait, effectivement, par les cinéastes côté République démocratique du Vietnam. Oui, parce qu'eux aussi avaient besoin d'images. Laure Monin-Cournil, ici, en évoquant Pierre Chandonfer, on a un témoignage, alors sous forme d'artiste, qui apporte tout ce qu'il a à dire sur ce qu'il a vécu à Dien Bien Phu. Est-ce qu'il y a une spécificité de cette bataille ? On l'entend bien, hein, ce camp retranché, perdu, isolé, cette micro-société, une société extrêmement cosmopolite, ça crée une mémoire particulière. Il y a une mémoire particulière de Dien Bien Phu par rapport à d'autres batailles ? Oui, pour l'Indochine, complètement. Tous les témoins s'accordent à dire de toute façon que c'était spécifique, au sens où des batailles comme celle-ci, en fait, avec les formes de combat qu'elle a prises, le temps que ça a pris, et puis finalement la défaite, etc. Ça a été une bataille spéciale qui ressemblait beaucoup plus à des batailles de type Première Guerre mondiale, en fait. Donc, enterrés dans les tranchées, attaque, contre-attaque, enfin des... et puis à tout cela se rajoute au mois d'avril les fortes pluies. On est dans la boue sans arrêt, enfin il y a énormément de comparaisons avec des batailles à d'autres moments, ce qui pour l'Indochine en fait n'était pas courant. Ah oui, ce alors... type de bataille dans les tranchées, ça s'était pas vraiment vu ni fait. Oui, mais alors malgré tout, moi je vous apporte un témoignage, celui du colonel Buitim, qui est donc du côté des Viet Minh, qui lui, quand il relit longtemps après, en 1994, ce qui est arrivé, il fait comme vous, Laure Monin-Cournil, il fait écho à la tranchée à la Première Guerre mondiale, mais avec une spécificité vietnamienne. La victoire de Dien Bien Phu, d'après moi, d'après mon opinion personnelle, c'était dû à l'habitude de millénaire des Vietnamiens de creuser la terre. Vous avez vu nos digues, les digues du fleuve Rouge. Nous sommes un peuple de terrassiers depuis plusieurs siècles. Et nous avons creusé la terre, bâti ces digues à main d'homme aussi, pour maîtriser le fleuve Rouge et le fleuve du Nord. On travaille de termite, et à Dien Bien Phu, on a creusé la terre, creuser les flancs des montagnes et ensuite creuser ce réseau, vous savez, de tranchées, là, des centaines et des centaines de kilomètres de tranchées reliées les unes aux autres et avec des souterrains pour chaque section, pour chaque compagnie et pour pouvoir vivre là des mois et des mois. Hugues Tertrais, vous pensez quoi de ce témoignage? C'est-à-dire qu'il relie un peu le Vietnam a son histoire. C'est vrai que Dien Bien Phu va devenir un mythe, enfin effectivement célèbre et très important. En fait, cette année, le 70e anniversaire de la bataille au Vietnam, donc il va y avoir sûrement des fêtes insensées, que sais-je encore. Mais donc ça relie le Vietnam à son histoire. Giap est un héros au même titre que les autres dans l'histoire. Et donc... effectivement, il y a une héroïsation côté vietnamien, mais aussi côté français, pas les mêmes raisons et pas de la même manière. Les Vietnamiens ont gagné cette guerre à Dien Bien Phu parce que ça correspond à leur histoire, parce qu'ils l'ont toujours fait, si j'ose dire, et parce que c'était écrit. Ce qu'on ne dit pas, et peut-être il faudrait un peu insister là-dessus, ce qu'on oublie souvent, c'est que il y avait une course de vitesse par rapport à la conférence de Genève qui était réunie dans la ville suisse à l'époque, et que cette conférence était réunie sur la Corée, mais la bataille était déjà, l'armistice était déjà signé sur la Corée et l'Indochine, et donc le 7 mai, donc la France rend les armes, si on peut dire, à Dien Bien Phu. Le lendemain même, la conférence de Genève, à l'initiative des soviétiques, passe à la phase indochinoise. Ici Jean Rabaud qui vous parle de Genève. À 3 heures, tandis que la séance plénière s'ouvrait sur un discours du délégué philippin relatif à la Corée, on apprenait la chute du réduit central de Dien Bien Phu. 20 minutes avant, le porte-parole de la délégation russe avait rejeté sur la France la responsabilité du fait que la trêve en faveur des blessés n'avait pas pu être discutée jusqu'ici. Savait-il, comme l'indique la délégation française, savait-il au moment où il parlait que cette querelle sur la trêve des blessés était désormais sans objet? Toujours est-il qu'il a fait comme s'il ignorait la nouvelle. Une heure après, en tout cas, M. Molotov annonçait, en sa qualité de président du jour, que la discussion sur l'Indochine pourrait peut-être s'ouvrir demain. Nous saurons dans la soirée si ce peut-être est une certitude, car M. Bidault confère en ce moment à ce sujet avec M. Hyden et Bedel-Smith. Mais vous n'aurez aucune peine à croire que l'intérêt de la journée genevoise était ailleurs qu'au Palais des Nations. Ici Genève, Radiodiffusion Télévision Française. Jean Rabaud, le 7 mai 1954, qui commente exactement ce que vous venez de nous expliquer, Hugues Tertrais, il y a au lendemain de la cessation des combats, ces accords de Genève qui sont signés en juillet 1954, et on sait la partition du Vietnam et le début de cette autre guerre qui en fait est la continuité de la même, et c'est la guerre du Vietnam. Leur Monin Cournil, ici quelque chose m'interpelle dans le titre de votre ouvrage, Dien Bien Phu, des tranchées au prétoire. Que vient faire le prétoire dans cette histoire ? Alors c'est le fait que quelques temps après la bataille, pas si longtemps que ça d'ailleurs, les deux généraux qui étaient en charge de la bataille, donc le général Navarre pour le commandement en chef de l'Indochine et le général Kony qui dirigeait les forces terrestres du Nord-Vietnam, se disputent en fait dans leur continuité, dans la continuité de leur relation très compliquée. Ils se disputent pour savoir qui est vraiment responsable de ce désastre. Ils sont attaqués, les deux, le général Navarre surtout. Et en fait, il sort un livre, Agonie de l'Indochine, dans lequel il incrimine énormément son subordonné, donc le général Kony, et celui-ci n'admet pas, en fait. Donc il se retourne contre lui en l'assignant en justice, dans une juridiction civile, hein, au tribunal de la Seine. Pour diffamation, il lui demande de retirer en fait son livre et d'enlever essentiellement les passages que lui considère diffamatoires à son encontre. Voilà, c'est vraiment toute la question de savoir qui est responsable de tout cela, parce que Hugues Tertrais, cette mémoire de la guerre d'Indochine, c'est une mémoire douloureuse de ceux et celles, on peut le dire, qui ont vécu ce moment-là, et souvent effacés, invisibilisés dans l'histoire, parce qu'après il y a la guerre d'Algérie aussi, et puis pour ces questions de commandement, de décision. Oui, je crois qu'il faut d'abord rappeler que c'est un échec pour la France, Dien Bien Phu, et donc il fallait un responsable. Et les oppositions qui se sont constituées et qui ont été jusqu'à ce procès dont Leur Monin Cournil parle, cette discussion, il faut un responsable, il faut un coupable, s'est déroulée, assez rapidement, assez longtemps. Il y a, pour le reste, d'autres événements, effectivement, qui se déroulent après et qui ont fait un peu oublier les choses. C'est les guerres d'Algérie. Mais les deux sont liés. Un certain nombre de tirailleurs ou de combattants soi-disant français étaient algériens. On va les retrouver dans les guerres d'Algérie, souvent le fusil en main et contre les Français. Et donc, il faut rappeler que la guerre d'Algérie commence très vite après Dien Bien Phu. Et donc, il y a vraiment une continuité assez spectaculaire. Et les images qui s'emboîtent les unes les autres, qui ne s'emboîtent pas, se superposent les unes aux autres. Et en effet, la guerre de Chine était un petit peu oubliée de ce point de vue-là, au profit de la guerre d'Algérie. Et c'est vrai qu'en même temps, la France était plus concernée parce que la conscription y envoyait des soldats, alors que la guerre de Chine, c'était plutôt le fait de professionnels. Aussi, la guerre du Vietnam proprement dite a effectivement non plus amené tout son lot de violences extrêmes qui va être, qui va faire oublier, si j'ose dire, l'Indochine, parce que la guerre d'Indochine, parce qu'on a donc utilisé ces deux mots, la guerre d'Indochine et la guerre du Vietnam, parce que les violences étaient plus fortes, plus filmées aussi, les moyens techniques étaient plus importants, et donc l'image est restée longtemps différente, en effet. Oui, avec la bataille de Dien Bien Phu, c'est plus de 2000 morts du côté français, le double du côté vietnamien, bien sûr. Et puis après, on peut étendre à l'ensemble de la guerre d'Indochine, mais vous venez de le dire avec justesse, Hugues Tertrais, du point de vue vietnamien, cette guerre, en fait, elle continue, elle commence en 1945, sans doute, et elle se poursuit jusqu'au début des années 1970. C'est une très longue guerre avec des phases différentes. Merci vivement à tous les deux, Leur Monin Cournil et vous, Hugues Tertrais, de nous avoir présenté la guerre d'Indochine, la bibliographie. On la retrouve sur le site franceculture.fr, le cours de l'histoire. Merci beaucoup. Merci à vous. Il est l'heure pour nous de retrouver Gérard Noiriel. C'est le pourquoi du comment. Pourquoi le carnet anthropométrique fut-il imposé aux Tziganes ? Les Tziganes ont commencé à se fixer dans le royaume de France dès le XVe siècle. Au départ, contrairement à une image répandue, ils furent plutôt bien accueillis, bénéficiant de l'hospitalité accordée par les autorités municipales, les cours royales et princières. Mais les choses commencèrent à changer dans la deuxième moitié du XVIIe siècle. En 1682, Louis XIV leur interdit d'exercer une activité itinérante. Sous la menace constante de sanctions rigoureuses, le peuple bohème fut ainsi soumis au bannissement collectif. Le destin des tziganes bascula une seconde fois vers la fin du XIXe siècle. La libération des liens de servage dans les pays de l'Europe danubienne et balkanique provoqua de nouvelles migrations vers l'ouest. L'arrivée de ces petits groupes familiaux déclencha une vague d'hostilité en France. Alors qu'ils exerçaient une multitude de petits métiers comme rétameurs, colporteurs, vanniers, musiciens ambulants, marchands forains, etc., les bohémiens furent accusés d'être des agents étrangers au service de l'Allemagne. En 1895, le gouvernement décida un dénombrement général de tous les nomades bohémiens vagabonds et prépara un projet de loi pour mieux les contrôler. Ce projet reposait sur un principe de classement visant à distinguer plusieurs catégories d'itinérants en fonction d'un critère central, l'existence ou non d'un domicile fixe. Les ambulants, qui pouvaient faire état d'un domicile fixe, ne furent astreints qu'à une simple déclaration, alors que les nomades durent solliciter une autorisation administrative délivrée sous la forme d'un carnet spécial dit « carnet d'identité ». Cette mesure suscita un fort mécontentement dans le monde des forains, qui ne voulaient pas être confondus avec les Romanichels. Ils protestèrent au nom de l'égalité de tous les citoyens contre des dispositions qui tendaient à les assimiler à une population criminelle. Comme leur poids électoral n'était pas négligeable, le projet de loi fut modifié. La loi du 16 juillet 1912 relative à l'exercice des professions ambulantes exigea simplement des forains la production d'une carte d'identité mentionnant leur signalement accompagné d'une photographie. En revanche, les nomades furent contraints de présenter un carnet anthropométrique d'identité. Désormais, dès l'âge de 13 ans révolu, tout nomade, quelle que soit sa nationalité, devait faire viser son carnet individuel à l'arrivée et au départ de chaque commune. Ils étaient également soumis à des procédures d'identification qu'on appelait le bertillonnage, parce qu'elles avaient été mises au point par Alphonse Bertillon, le fondateur du premier laboratoire de police d'identification criminelle. Elles consistaient à enregistrer dans le carnet la hauteur de la taille, celle du buste, l'envergure, la longueur et la largeur de la tête, le diamètre bisigomatique, c'est-à-dire la largeur du visage, la longueur de l'oreille droite, la longueur des doigts médius et auriculaires gauche, celle de la coudée gauche, celle du pied gauche, la couleur des yeux, les empreintes digitales et les deux photographies du porteur de carnet. Excusez du peu. En 1969, le carnet anthropométrique fut remplacé par le livret de circulation et celui-ci fut enfin supprimé en 2015. Seulement en 2015. C'était le cours de l'histoire sur France Culture. Merci Gérard Noiriel. Le cours de l'histoire, une émission réalisée par Anna Holweck avec aujourd'hui à la technique Ludovic Auger. Et merci aux équipes de France Bleu Pays Basque. Le cours de l'histoire préparé par Jeanne Copet, Jeanne Delecroix, Anne Toscan-Dudès, Mathieu Copal et Mayouen Guizhou. Émission à retrouver à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France. L'île de la Française, le nouveau roman de Metin Arditi. 1950, Y de Saint-Spyridon. Des clichés licencieux ont été pris au cœur d'un monastère. Scandale. Qui a réalisé ces photos et dans quel but? Une photographe française est suspectée. L'île de la Française, un roman mystérieux et profond de Metin Arditi, aux éditions Grasset.